Des fois ils ont des mains au bout des bras, une tronche au sommet de leur tronc, une bouche qui parle, une bouche qui dit, qui postillonne et qui ennuie. Les gens dégoûtent, les gens dégoûtent.